Monsieur Sabourin, vous allez bien? Monsieur Sabourin, vous allez bien? Monsieur Sabourin, vous allez bien? Que me vaut cette visite? Un problème avec un élève? Vous êtes encore fait taper? Vous êtes encore fait humilier? On vous a encore enfoncé des choses dans les fesses et à d'autres endroits que je ne vais pas citer. Parce que ce serait vraiment, vraiment dégueulasse, mais c'est quand même un peu la honte. Ouais, j'ai l'impression que vous avez honte là. Ouais, vous pleurez un petit peu. J'aime bien la souffrance. Pourquoi cette visite? Un problème avec un élève? Que me vaut cette visite? Un problème avec un élève? Ah, alors peut-être. Ah, alors peut-être. Ah, alors peut-être. Ah, alors peut-être. Arrêtez de me couper, ça m'énerve. Le Oh, pardon. Oh, pardon. Oh. C'est difficile de rester. Brrr. Faites-moi boue. Je vous rappelle que c'était un accident et que j'ai payé ma dette après de la société. Je vous rappelle que c'était un accident et j'ai payé ma dette auprès de la société. Je vous rappelle que c'était un accident et j'ai payé ma dette. Oh, pas la société. Je vous rappelle que c'était un accident et que j'ai payé ma dette auprès de la société. Je vous rappelle que c'était un accident et que j'ai payé ma dette auprès. Je vous rappelle que c'était un accident et que j'ai payé ma dette auprès de la société. Mais pourtant, je Mais puisque je vous dis que c'était un accident. Mais puisque je vous dis que c'était un accident. Mais puisque je vous dis que c'était un accident, j'ai pas fait exprès, ok? Laissez-moi tranquille. Je ne l'ai jamais voulu. Ils, leur voiture, elle, je ne l'avais pas vue. Je ne l'ai jamais voulu. Leur voiture, je l'avais pas vue. Je ne l'ai jamais voulu. Leur voiture, elle, je l'avais pas vue. Leur voiture, elle, je ne l'avais pas vue. Comment faites-vous ça? Comment vous faites ça? Wow, quelle magnifique érection! Comment faites-vous ça? Oh, Baptiste, qu'est-ce qui nous arrive? Il fait si chaud. Où sont passés mes vêtements? Non, c'est pas dans le texte. Comment faites-vous ça? Comment faites-vous ça? Là, oui. Alors, flip dans les 10 escaliers. Ah! voulais pas. Je le jure, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment, sincèrement. Tu entends la sincérité dans ma voix. Je suis très désolé. Vraiment, sors d'ici, s'il te plaît. Hein, vilain. Je ne voulais pas. Je le jure, je suis désolé. Hein? Non! Arrêtez! Arrêtez! Ouais. Non! Non! Bon, non, de toute façon, elle... Non! Non! Pipi! J'espère que j'ai pas... J'espère que j'ai pas saturé. On verra bien.